MC Recta. Indépendance artistique, 17 zone nord. Ouais. Écoute ça, hein. Alors, ce qui les dérange, c'est ma rime. Celle qui pisse sur le drapeau, l'uniforme bleu marine. Marine, Jean-Marie, on introduit nos colonies. Africain, fait nos bis dans la parallèle économie. Et ouais, l'ami, dans l'indépendance, je m'y engage. Celle-ci, c'est pour tous mes frères qu'ils ont mis en cage. Dédicace au casque ami, cousse du Hamas. Palestine, Tchétchénie, résiste et tire aux FAMAS. Ramasse tes contrats, l'aura pas mieux le PD. C'est pour les gens de la rue 1 que je viens plaider sur CD. Tu veux que je te parle de caisse de grosses tasses? Pendant que leur offre tombe et que l'Afrique rêve du DAS. Espace. Non, pas question de la méperte. MC Recta encore pour mes soeurs et mes frères. Sa mère du depuis à peine, toujours anti-port. Un c'est Jonker, la tour et la deux ports. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta. Regarde, tant d'MC sont si nuls. Le rap n'est pas mort, au frais, il simule. On dissimule l'orage, vas-y c'est ok. 1-2-1-2, branche le mic, j'vais pour choquer. Croquer ma part, génération agitée. Main de la France en bas, celle qui salisse au JT. Chipoté, pour une instru sale pédéillé. Tu boycottes, blablabla, arrête de bégayer, égayer. Sois hip-hop que je reviens faire naître. Dis aux rappeurs d'aller tout se faire mettre. Me permettre pour mes héros et aussi les tiens. En puissant sur la flamme du FN, je l'éteins. Retiens bien mon style, non je l'ai pas pompé. Attentat lyrical, sur une place bombée. Plombé, ces politiques qui ont les mains sales. Dans ma zone sup, tous des guerriers Maasai. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta. Sportif, MC Agen, moi je suis une Pattaya. Y'a plus de putes dans le rap que dans les rues de Pattaya. Faut batailler le CSA, je les pèse en brochette. Ils veulent me baïonner comme sur la pochette. Des gros chèques, l'État, vas-y embête-les. Je resterai même en R5 comme en Bentley. Pète les DA qui veulent qu'on se prostitue. C'est RIKTA, moi je la déprostitue. Titube à croire que les MC traînent au marais. Je viens pallier ce bordel tel un rat de marée. Carré, pépère, gros, à vous faut le faire. J'évite les faux frères, microphone, revolver. Nouvelle ère, l'avenir du rap s'écrit en 5 lettres. RIKTA, l'élève dépasse le maître. Connaître mes principes et puis mes idéaux. Loin des têtes et de leurs clips vidéo. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta. Liberté d'expression, ouais c'est mon droit. Mec de rue authentique, vas-y lève le doigt. On se voit en tant qu'MC d'être anti-état. Contrôleur censura pas un DMC Recta.